Les nuits de France Culture, la nuit rêvée de Pierre Assouline, nuit commencée en votre compagnie évidemment, Pierre Assouline, rebonsoir. Rebonsoir. Et nous avons parlé évidemment en début de nuit de votre roman qui est publié et qui sort cette semaine chez Gallimard, Tu seras un homme, mon fils, mais on a pu entendre par la suite donc plusieurs archives. Qui êtes-vous, Georges Simenon, par André Gillois, Simenon auquel vous avez consacré une biographie, une tribune de Paris, l'Angleterre, la Fédération Européenne par Émile Dana, une émission de 1948, puis les entretiens Daniel Henri Kahnweiler avec Francis Crémieux, comment je suis devenu marchand de tableaux, et rencontre avec Picasso, Kahnweiler, auquel vous avez consacré également une biographie, et puis à l'instant, donc Ainsi va le monde, la Chine telle que je l'ai vue, Hong Kong et Shanghai, Hong Kong en 1948. Alors j'aimerais qu'on revienne au roman Tu seras un homme, mon fils, Pierre Assouline, vous êtes d'accord? Volontiers. Bien. Et puis on va parler aussi de Retour à Séfarade, donc qui était votre précédent ouvrage, oui. Et là qui sort en folio. On va écouter If quand même, parce que si les auditeurs ont bien compris, s'ils nous ont suivis en ce début de nuit, ils ont compris que, en tout cas, Tu seras un homme, mon fils, c'est bien la dernière phrase, le dernier vers de ce poème, If, de Rudyard Kipling. Rudyard Kipling qui est donc le personnage, enfin en tout cas, ce n'est pas le narrateur, c'est pas le héros, mais c'est le personnage de Tu seras un homme, mon fils. Alors là, c'est un certain Paul Bull qui dit If. Il faut qu'on l'entende en anglais, vous comprendrez bien. If, by Rudyard Kipling. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. If you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies. Or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor walk too wise. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you've spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken and stoop and build them up with worn-out tools, if you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss and lose and start again at your beginnings and never breathe a word about your loss, if you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on, if you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you'll be a man, my son. Alors le poème, c'est un rythme, c'est un mouvement? Un rythme, une cadence, un souffle, une respiration, c'est tout ça. Et c'est bien, Philippe Garbi, que vous l'ayez passé en anglais, parce que il y a de l'intraduisible, hein, bien sûr. Ça m'a toujours fasciné les problèmes de traduction. Je suis pas traducteur moi-même, mais... Mais Louis Lambert l'est, votre personnage. Lambert, c'est pas son métier, il est prof de lettres, mais en même temps, il a... Voilà. La question de traduction est une question qui est infinie. On pourrait en parler pendant des années sans épuiser le sujet. Et là, ce qui me fascine, c'est que le poème est connu en France depuis un siècle, à peu près, dans une traduction qui est fautive. Et qui, non seulement, c'est pas un hommage à Kipling, mais ça ne rend pas justice du tout. Elle est fautive, mais même elle est fausse. Elle est fausse. C'est-à-dire que beaucoup de gens l'ont traduit, hein, ce poème, même sans en avoir le droit ou pas le droit. Mais la traduction qui fait autorité dans l'opinion publique depuis toujours, elle est d'André Mauroy, à l'intérieur de son roman « Les silences du colonel Bramble ». En fait, c'est une adaptation. Il le dit d'ailleurs. Il le dit, c'est une adaptation. Mais il a tellement adapté qu'il en modifie le sens. Non seulement il modifie le sens de certains vers, mais en plus, il a interverti des quatrains, ce qui quand même change beaucoup de choses. Mais en plus, il a ajouté un quatrain qui est entièrement de son cru, qui n'est pas du tout chez Kipling. Alors vous m'avez dit quand nous nous sommes téléphonés, Pierre Assouline, surtout ne pas passer la traduction d'André Mauroy. Mais comme je lis dans Retour à Séfarade que ceux qui me connaissent, vous parlez de vous-même, de longue date, m'ont toujours considéré comme un provocateur, et je veux croire que c'est dans le bon sens du terme, etc. Enfin bref, donc on va vous provoquer, Pierre Assouline, et puis on est tout à fait dans le sujet, puisque dans Tu seras un homme, mon fils, ça tourne bien autour de cette détestation, de cette traduction, trahison de ce poème. Donc on va l'écouter. Écoutez, dans la traduction IF, donc dans la traduction d'André Mauroy, c'est lu par un comédien que je vous mets au défi d'identifier, mais on vous le dira à la fin du poème. Nous sommes en 1949 sur la chaîne nationale dans l'émission Jardin à la française. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir, si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre et te sentant haï sans haïr à ton tour pourtant lutter et te défendre, si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots et d'entendre sur toi mentir leur bouche folle sans mentir toi-même d'un mot, si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères, sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi. Si tu sais méditer, observer, reconnaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur. Si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage sans être moral ni pédant, si tu peux rencontrer triomphe après défaite, et recevoir ces deux menteurs d'un même front. Et si tu peux conserver ton courage et ta tête, quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut bien mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. IF de Rudyard Kipling, traduction, adaptation, trahison. André Mauroy, mais bon, on la connaît, donc on y est habitué et on l'aime peut-être. Interprété donc dans l'émission Jardin à la française sur la chaîne nationale le 22 janvier 1949, par qui alors, Pierre Assouline? C'est difficile, hein, parce que avec la qualité technique... On ne le connaît absolument pas comme comédien. Il était comédien, il a fait beaucoup de radio, etc. Et puis après, il a tourné des films, dont La Grande Vadrouille. C'est Gérard Oury. Ah oui, bah écoutez, alors là, c'est une colle. Hein. Voilà. Alors, donc, Tu seras un homme, mon fils. Le personnage, Louis Lambert, veut traduire. Il veut séduire, en fait, une histoire de séduction. Il veut offrir ce poème, qu'il aime beaucoup, hein, qu'il admire, à ses étudiants, à ses lycéens. Mais il est professeur de français ou d'anglais, lui? De français. À Janson de Sailly. Il est professeur de français, mais il a été formé à la langue anglaise. Par Mallarmé. Donc, un très grand poète qui détestait son métier. Son métier de prof d'anglais. Il détestait ça, mais il le faisait pour des raisons alimentaires. Il est élève à Condorcet en quelle année à peu près, ce Louis Lambert? Louis Lambert, il était élève à Janson. À Janson, donc à Janson, oui, il n'est pas à Condorcet. Là où il a été prof, il était l'élève. Ça arrive qu'on soit prof là où on a appris. Mais Mallarmé était prof à... Mallarmé a été à Condorcet, il a été au Collège Rollin, qui est devenu par la suite, je crois, Jacques Decour. Mais il a été à la fin de sa carrière à Janson de Sailly. Donc j'ai tout vérifié pour que ça puisse coller. Vous pensez bien. Je vous colle pas. En tout cas, il n'a pas pu rencontrer Proust à Condorcet, qui d'ailleurs n'a pas eu Mallarmé. Il ne faut pas trop charger la barque. Ah, attendez, il y a un moment donné, Louis Lambert rencontre sa future épouse à l'Opéra Comique, la première de Bérénice de Ménard, je crois. Oui, et avec Mania. Ouais. Voilà, Mania. Et il entend Reynaldo Hahn parler à un ami. Comme mais ça. C'est vrai. Enfin, oui, mais qui est l'ami? Ce qui est vrai, c'est que Reynaldo Hahn était présent là, puisque je suis allé chercher dans ses critiques, il a fait la critique du spectacle de ce soir-là. Donc, il faut que tout est vérifié. Peut-être était-il donc avec Marcel Proust. Bon. Ah, ça... Demandez à Jean-Yves Tadié. Ça, on n'en sait rien. Mais vous savez, quand on fait un travail de fiction basé sur l'histoire, avec un grand H, il faut pas trop charger la barque. Parce que si j'avais mis Proust en plus, on aurait dit ça fait un peu trop. Alors, c'est une histoire, vous nous l'avez dit en première partie, Pierre Assouline, c'est une histoire évidemment de filiation, de paternité. Louis Lambert lui-même a un père, par définition, et il a un fils, et c'est en fait aussi l'histoire d'une guerre à l'autre. Et d'une mort possible à l'autre. C'est d'une guerre à l'autre puisque, en fait, bon, tout est centré autour de la Première Guerre mondiale, qui a été une horreur absolue, comme on imagine peu. Je me suis replongé dans les archives de cette guerre, mais notamment du côté britannique. Ce qui est moins connu en France que, évidemment, la dimension française. Et c'est terrible parce que, bon, enfin, c'est l'hécatombe, c'est des erreurs stratégiques inouïes, c'est une impréparation, ça c'est beaucoup de choses. Donc je raconte ça et notamment je raconte aussi Louis Lambert lui-même a été mobilisé bien sûr et il a été pris par les gaz terribles et finalement on l'a mis un peu en seconde ligne pour identifier les morts. Donc tout ça ça plane autour de l'histoire entre lui et Kipling parce qu'il va rester l'ami entre guillemets, malgré la différence d'âge, de Kipling, qui va peut-être aussi, d'une certaine manière, retrouver par procuration une sorte de fils de substitution, plus ou moins, parce que leurs relations sont très fortes. Et ils ne vont pas cesser de se voir jusqu'à la mort de Kipling en 1936. Et j'ai voulu introduire la Seconde Guerre mondiale, donc après la mort de Kipling, puisque le livre, le roman se termine par, ça commence aussi comme ça, mais ça se termine surtout par ça, par la présence pour le 5e anniversaire, donc en 1941, des funérailles de Kipling, notre héros Louis Lambert, qui est exilé à Londres, on devine pourquoi, et il retrouve son fils, qui est dans les forces françaises libres, donc à la cathédrale de Westminster, à l'abbaye de Westminster, parce que c'est là qu'il y a le coin des poètes, et c'est là que les plus grands poètes de l'Empire britannique sont honorés. Et bon, il y a une prolongation, si vous voulez, ou un prolongement dans cette relation que le propre Louis Lambert a avec son propre fils, qui va vers un destin où il va peut-être trouver la mort, on n'en sait rien. C'est peut-être lui qui lui a dit « rejoignons Londres ». Vous savez, il y a l'explicite et l'implicite. Et dans un roman, ce qui est trop explicite devient pesant. Donc je n'ai pas voulu peser, j'ai voulu laisser le lecteur tirer ses propres conclusions. Mais c'est vrai qu'il voit son fils partir en mission et il ne sait pas s'il reviendra. Tout le livre est poignant, de toute manière, il est marqué par la mort. La mort, la responsabilité, la culpabilité. Et encore une fois, parfois la difficulté de liaison, de communication entre un père et un fils. Parce que Louis Lambert lui-même, dès le début de l'histoire, est plus que fâché. Il ne parle plus à son père, à son propre père. On va découvrir progressivement pourquoi. C'est parce que son propre père est devenu un ultranationaliste, anti-Dreyfusard, tout ça parce qu'il met la nation au-dessus de tout et quitte à oublier ses propres origines. C'est-à-dire que lui-même, Louis Lambert, n'oublie pas les défauts de son père, mais veut aussi peut-être oublier ceux de Kipling. C'est-à-dire qu'on peut... C'est compliqué, parce qu'il se retrouve entre un père de substitution, alors que son propre père n'est pas mort. Mais quand son père va mourir, il ne va même pas aux obsèques. Il restera fâché jusqu'à la fin. Non, toute son affection, il l'a reportée sur sa grand-mère, avec qui il a un lien très très fort, qui est une grand-mère un peu fantasque, adorable, drôle, très cultivée, pour qui il a une vraie passion. Et j'ai un peu transposé une passion que j'avais pour mon propre grand-père paternel, qui était très différent, mais qui était un homme impérieux, et qui à qui j'étais très lié, et que j'admirais beaucoup. Oui. Alors vous êtes Pierre Assouline, on l'a dit, donc vous êtes journaliste, vous tenez le blog République. La République des livres. Des livres. Tous les jours, vous écrivez, toutes les nuits, Tout le temps, samedi, dimanche et fête, et toute l'année, parce que je fais ça depuis mon ordinateur et ça dure depuis 15 ans. C'est une drôle d'expérience. C'est parce qu'on est un petit peu asservi à cette chose qui vous libère, puisque j'y pratique le journalisme essentiellement. Je parle pas de moi dans ce blog, contrairement à d'autres, et dans les tweets que je fais, je ne parle pas de moi non plus. Je parle des livres et des écrivains. Académicien Goncourt, donc jamais Académie française. Et non, puisque quand on est dans l'un, on ne peut pas être dans l'autre. Et puisque l'Académie Goncourt a été créée à l'origine contre l'Académie française. Donc il y a un choix à faire. Alors vous avez fait le choix. Mais peut-être que vous serez un jour académicien espagnol. Ah, ça me ferait très plaisir. Merci, Philippe Garbi. L'Académie royale. Ah, attends, mais je me demande si tout ne part pas de cette envie, Pierre Assouline, de devenir académicien, de la Royal Academy. Comment dit-on? Vous devez parler espagnol quand même. La Royal Academia de Lengua Española. Alors, retour à Sepharad. C'est publié, c'est sorti en 2018, c'est sorti l'année dernière en folio. Et c'est l'histoire aussi d'un retour. D'un retour après quelques siècles d'absence. C'est un retour, oui, après 5 siècles. Ça doit vous paraître une drôle d'idée, mais bon, moi j'ai une identité juive qui m'est naturelle, ça n'a jamais été un problème pour moi. Et séfarade, dans la mesure où je suis né au Maroc, de parents nés en Algérie, et la famille étant originaire d'une part du Sahara, début du Sahara, et avant, du côté paternel, avant de Séville, il y a 5 siècles, ou 6 siècles même. Et du côté maternel, de Livourne, et avant, de l'Espagne aussi. L'Espagne d'avant l'Inquisition et d'avant l'expulsion de 1492 par les rois catholiques. Et qui a favorisé et façonné ce qu'on appelle la diaspora séfarade. Voilà, ça n'a jamais été un problème pour moi, et jusqu'au jour, il y a 4 ans, où j'entends et je lis que le roi Felipe VI, qui vient d'être adoubé par son père Juan Carlos, a fait un discours en recevant une délégation de Juifs d'Espagne à son palais. Un discours magnifique, magnifique, dans lequel, très émouvant, dans lequel il dit avec l'expulsion des Juifs il y a 5 siècles, l'Espagne s'est amputée d'une partie d'elle-même, et il a terminé en se tournant vers eux et en leur disant « Comme vous nous avez manqué ». Ça m'a été droit au cœur, d'autant plus que ça coïncidait, ce n'est pas un hasard, avec une loi votée à l'unanimité au Cortes, le Parlement espagnol, accordant le passeport espagnol à tout descendant de séfarades expulsés qui en ferait la demande, moyennant la constitution d'un dossier quand même administratif assez conséquent. Et donc, dès le lendemain, je suis allé au consulat d'Espagne à Paris pour déposer une demande. Et comme je suis écrivain, je ne peux comprendre ce qui m'arrive que si je l'écris. Donc je n'ai pas attendu, et dès le lendemain, je suis reparti en Espagne, partout. Et bon, j'ai fait des conférences un peu partout sur mes livres, parce qu'on m'en demande souvent. Et à chaque fois, on me demandait « qu'est-ce que vous préparez ?» Je leur disais ce que je préparais. Et ils me disaient « ah, cette partie, il y a combien de temps ?» Et ben, il y a 5 siècles. Ah oui, alors ça, ils trouvaient ça un peu bizarre. Et en même temps, ils me disaient tous « bienvenue à la maison ». Et voilà, c'est un peu un road movie, c'est le fruit de ma rencontre, de mes lectures, de mes émotions, de mes retrouvailles, de tout ça. Et des moments cocasses aussi. Parce que oui, c'est pas toujours facile d'être éligible. Je me suis pris pour un quichotte séfarade. Et voilà, alors, encore quelqu'un à traduire, enfin, oui, Cervantes. Oui, oui, oui. Vous en parlez beaucoup. Ah ben oui, c'est important, mais dès le début d'ailleurs. Mais le chemin est pavé de beaucoup de problèmes, parce que je dois vous dire que 4 ans après, je n'ai toujours pas mon passeport. Je l'attends, ça se précise. Je suis allé très souvent à Madrid pour autre chose, mais non, administrativement, c'est Kafka, quoi. Je sais que c'était pas facile de devenir français, ou même américain ou suisse. Hein. Je sais que c'est un problème et que ça peut prendre beaucoup de temps. Mais enfin, là, c'est le roi qui nous a tendu la main. J'ai même une lettre de lui, personnelle. J'ai donné beaucoup d'interviews quand le livre est sorti en Espagne. Quand il est sorti en France, il y a un an et demi, mais quand il est sorti en Espagne, il y a un mois. Et donc, de beaucoup d'émissions de télé, de radio, etc. Et vous parliez en espagnol, là ? En espagnol et parfois en français, ça dépend. Dans des conférences, quand je vais être très précis, je parle en français. Mais très souvent, l'espagnol revient, ça dépend. Et là, tout récemment, j'ai été invité à parler de ça à Montréal, vous voyez. Mais ce qui est frappant, c'est que je fais face à une suite d'aléas administratifs ahurissants, quoi. Des documents qui se perdent, qui sont prescrits, qui sont oubliés, qu'il faut renouveler en permanence. Enfin, ça n'arrête pas, quoi. Tout récemment, j'ai découvert qu'un papier essentiel du ministère de la Justice espagnol devait être transmis au consulat à Paris pour débloquer tout. Il a fallu que je fasse intervenir des gens en Espagne, des gens très haut placés qui veulent m'aider, des ambassadeurs, des ministres, etc., qui sont tous au courant et qui veulent m'aider, pour m'apercevoir que ce papier était prêt depuis un an. Il a mis donc un an à être envoyé de Madrid à Paris. Quand on a attendu 5 ou 6 siècles, on peut attendre encore... C'est toujours ce que je dis aux gens qui me demandent que vous n'en avez pas assez. D'autant plus que pour moi, c'est symbolique. J'ai un passeport européen. Je peux vivre en Espagne demain sans problème. Alors que pour d'autres, c'est une question vitale. Et pour eux, c'est la priorité. Et je conçois qu'ils soient prioritaires. Bien entendu, Vénézuéliens, Argentins, Mexicains, qui pour eux, c'est vital. En plus, c'est leur langue maternelle. Et puis des Turcs aussi, des Séfarades de Turquie, pour qui sont dans une situation un peu difficile maintenant. C'est aussi vital, mais pour des Européens, et notamment des Français, c'est symbolique. Mais ce symbole est fort. Et en même temps, c'est vrai, vous avez un mot du roi, si j'ose dire. Oui. Et il y a une scène à la fin où donc... Bon, vous êtes, il y a une petite lassitude. Vous êtes aux côtés de Bernard Pivot, je crois, et on vous demande. Bon, bah, faudrait que. Oui, on était à Madrid. Vous avez fait quoi pour l'Espagne? Bon, bah, voilà, j'ai fait ça, ça et ça. Vous avez un mot de recommandation? Alors oui, parce que on passe devant un notaire avec tout le dossier. Mon notaire m'a pas répondu pendant un an, donc ça a rallongé encore plus. Et j'étais à Madrid pour remettre le concours espagnol avec Bernard Pivot, et Antonio Muñoz Molina, un grand écrivain, nous dit mais franchement, mais t'es vraiment trop français. Si t'étais espagnol, tu irais demain, tu forces la porte du notaire et tu dirais coño, qué pasa. Et donc je dis oui, mais un français ne fait pas ça. Il prend rendez-vous, il dit ah mais non. Alors finalement. Je vais le lendemain, et Bernard Pivot, qui est avec moi, il dit, bah, écoute, je comprends pas espagnol, mais je viens avec toi, je te protégerai s'il y a un problème. Et puis, on va là-bas, on voit le notaire, qui nous fait un cinéma pas possible, ça dure 2 heures. Et au bout de 2 heures, il me dit, bon, ben, pour donner le coup de tampon, il manque quand même un papier, c'est une personnalité. Je dis, mais il y en a plein, là, qui, ah oui, mais ces personnalités, elles disent toutes que tu es un bon écrivain, mais elles disent rien sur ce que tu as fait pour l'Espagne, cogno! Alors, je dis, bon, écoutez, et je réfléchis, et je trouve que le roi m'avait écrit pour me remercier de l'envoi de mon livre. Et j'avais photographié sa lettre dans mon téléphone. Alors, je lui dis, écoutez, j'ai peut-être quelqu'un, je crois, qui peut faire l'affaire. Il me dit, ben, ça dépend qui c'est. Alors, je lui montre la lettre sur mon téléphone. Et alors là, ça a tout débloqué. Ça a tout débloqué, mais Pivot lui dit, mais il alors, est... Alors, Pivot lui dit qu'il veut faire le malin. Parce qu'à chaque fois que le type disait « cogno », parce qu'il s'énervait très vite, Pivot disait « ah là, j'ai compris », parce qu'il comprend pas l'espagnol, mais là, il comprenait. Avec un contresens, hein, parce que « cogno », c'est pas du con ou connard, c'est putain. Mais bon, passons, c'est pas grave. Quand je transmets la lettre, Bernard se penche à travers la table et dit au notaire, le roi, c'est un ami à Pierre. le type s'énerve, enlève ses lunettes, il dit, non monsieur, le roi, c'est un ami à moi. On a fait nos études de droit ensemble. C'est un chapitre que j'ai rajouté dans l'édition de poche. Ah oui, il n'était pas dans la première. Non, c'est postérieur. C'est postérieur à... Tous les ans, vous allez rajouter un chapitre, mon pauvre Pierre Asselineau. Ça serait une idée. Ça serait une idée. Et enfin bon, j'espère que ça va se débloquer. Bon, moi je n'attends pas après ça. Alors il y aura une émission consacrée à Tolède, sur les docks Tolède ou la nostalgie de Séfarade par Patrick Pépin, une réalisation de Christine Diger, c'est une diffusion de 2009, donc on entendra cette émission. Avant, on aura entendu Vocation Gaston Gallimard par Robert Mallet. Et encore avant, les grandes conférences Winston Churchill par Hugh Trevor Roper. Et en toute fin de nuit, avant de vous retrouver, on en pourra entendre Tous les plaisirs du jour sont dans la matinée. Antoine Blondin, au micro de José Pivin sur France 2 Régionale, c'était en 1959. Donc Churchill dans l'ordre, Gallimard, Tolède ou la nostalgie de Séfarade et Antoine Blondin. C'est bien ce que vous avez choisi dans les... Oui, mais je vous signale qu'Antoine Blondin, j'ai fait un avoine nue avec lui. Je sais, on l'a passé dans les nuits, vous pensez oui, bien. Oui, souvent passé, oui. C'est un souvenir extraordinaire. D'ailleurs, La toute première fois que j'ai collaboré à France Culture, c'était pour un Avoix Nu avec Lucien Combel, que vous avez aussi rediffusé, et c'était Alain Truta qui me l'avait commandé. Oui. C'est un grand souvenir, Alain Truta, un homme remarquable. Il s'est occupé de la fiction, entre autres. Oui, oui. Alors, Churchill, mais vous avez fait une série d'émissions sur Churchill. J'ai fait une série. C'est pas ce qu'on va entendre, bien entendu. Une grande traversée. Oui, une grande traversée. À l'époque où ça faisait 17 heures d'émission. Mm-hmm. Oui, il y avait les archives. Tout. Oui, et c'était passionnant à faire. J'ai adoré faire ça, là-bas en Angleterre, bien sûr, sur ses lieux, dans sa maison, etc. Et on a la voix. Et la voix de Churchill. Oui, ce qu'on oui, disait, ça, vous ça, disiez ça, tout à l'heure que plutôt dans la. Oui, mais alors on la connaît bien parce qu'il a, oui. il a beaucoup été enregistré, il a fait beaucoup de discours radiodiffusés, notamment pendant la guerre. Et puis il avait cette voix traînante, cet accent si particulier, qui est. Alors, Churchill, ça reste pour moi une de mes grandes références. Vous l'admirez assez pour en faire une biographie ou vous. Vous savez, j'ai. Non. Il y a eu des biographies de Churchill, il y en a eu beaucoup. Je n'ai pas envie d'être le 8e ou le 10e, même si elles sont en anglais et pas en français. En revanche, j'ai un vieux projet, c'est de faire quelque chose autour de Gaulle et Churchill, deux mémorialistes, deux écrivains, face à leur mémoire. L'un qui a eu le prix Nobel de littérature et l'autre oui, non. Mais c'est pas celui qui devait l'avoir qu'il l'a eu. Dans tous les personnages, là, Pierre Assouline, dont vous avez écrit les biographies, il y a toujours un moment donné où ces personnages vous énervent, je pense, quand même. Il y a des choses détestables. Et parce que quand on fait une biographie, quand on se lance, enfin en tout cas c'est mon cas, on ne sait pas grand-chose. Oh, quand même, vous saviez un peu sur Simenon, non, non je savais la surface des choses. La surface, non. Vous savez, on ne sait pas grand-chose. Quand on a accès aux archives et à la correspondance, on fait des découvertes. C'est pour ça qu'à chaque fois, je dis toujours à mon éditeur, si je trouve un cadavre dans le placard, il sera dans le livre. Mais je ne sais pas ce que je vais trouver. Quand j'ai été approché par la famille d'Hergé, parce que j'avais manifesté l'envie de m'intéresser à lui, j'ai visité les archives. Et j'ai, à leur demande, et notamment sa veuve, Fanny Rodwell, et puis le directeur de la Fondation Hergé. Et j'ai vu ce qu'il y avait comme archive, c'était extraordinaire. Et je leur ai dit, vous n'aurez aucun droit de regard. Ils m'ont dit, non mais c'est normal. Je leur ai dit, attention, je ne sais pas ce que je vais trouver. Hein. Mais, et sa femme, sa veuve, m'a dit cette chose essentielle. Elle m'a dit, écoutez, il y a pire que l'accusation que vous pourriez porter. C'est l'insinuation qui est ce qu'il subit depuis très longtemps. Alors notamment sur la question de la guerre, de l'occupation, on veut tout savoir. Et au moins là, on arrêtera l'insinuation qui est pire que l'accusation. Elle avait raison. Elle avait raison, c'est toujours un risque et péril. Mais là, encore une fois, je leur ai dit, si je trouve des cadavres dans le placard, ils seront dans la biographie. Et ça a été le cas. Là, les morts dans le roman « Tu seras un homme, mon fils », il n'y a pas de cadavre à trouver parce que la mort est tellement présente, tellement connue par le monde entier. Parce que Rudyard Kipling était un homme excessivement célèbre dans le monde entier, prix Nobel de littérature. La mort de son fils a été aussi, j'imagine, bon, c'était pas le seul mort de cette abominable boucherie, mais ça a dû se savoir en Angleterre, ah oui, en France. La mort de son fils, elle s'est sue. Parce que oui non ça a été public hein, il pouvait pas le cacher, mais en revanche ce qu'il a caché ce sont ses sentiments personnels. Il était très jaloux de sa vie privée. Il n'admettait pas de journalistes, d'écrivains là-bas à Batemans dans sa résidence, son manoir. Il ne voulait surtout pas qu'on. Alors qu'est-ce qu'il y avait à cacher? En fait pas grand-chose. Hein. C'est simplement sa vie privée, tout simplement. Mais il était obsédé par ça, et sa femme aussi. Donc elle faisait un rempart de toute intrusion, de toute indiscrétion. Donc quand un journal écrivait quelque chose, il surveillait pour éventuellement envoyer un droit de réponse. Les domestiques étaient virés assez souvent. Assez régulièrement, oui. Soupçonnés. Oui, assez régulièrement. Non, mais ça, c'est son côté un peu parano quand même. Un peu obsessionnel de ce côté-là. En tout cas, il accepte dans la fiction, il accepte ce jeune français, ce jeune professeur de français à Janson de Sailly. Oui, mais il lui demande tout le temps, vous n'écrivez pas de livres. Attention. Oui, mais enfin, ça pourrait être aussi, il y a des tas d'écrivains qui disent « Vous brûlerez mais mon roman inachevé après ma mort bah, ». Non, mais là, il ne voulait vraiment pas qu'on écrive quoi que ce soit. Non, parce qu'il le dit tout le temps, il est très... Et tous les soirs, la domestique devait vider sa corbeille à papier de son bureau et brûler aussitôt tout le contenu. Brûler. Non, c'est, il pensait vraiment à cette postérité-là. Alors, on revient à Sepharane, Pierre Soulin. On y revient. Donc, vous avez rajouté un chapitre pour l'édition en folio. Là, maintenant, ça se termine quand même par un, non pas if, mais quasiment. Et c'est en français. Vous avez un petit peu copié sur Kipling, parce que vous vous adressez au roi d'Espagne en disant si. Alors, quels sont les si que vous. Non, à la fin. Que vous lui demandez-vous? À la fin de Retour à Sepharade. Ou qu'exigez-vous? Si vous voulez bien, Majesté, non. Abroger. Je ne peux pas exiger de quoi que ce soit de mon roi. Bien sûr. De Sa Majesté. Mais vous ne voulez pas être un sujet de mécontentement, dites-vous. Voilà, oui. Non, ce que je dis à Philippe VI, je lui dis que son geste a été admirable, en prolongement du geste des Cortés, des députés, mais qu'il fallait prolonger ce geste et en abrogeant un décret. Alors là aussi, on est dans le symbole, parce que de facto, ce décret royal de 1492, qu'on 31 appelle mars. Le décret de l'Alhambra, est caduque. Mais là aussi, le geste aurait une forte valeur symbolique. C'est un décret qui est le décret d'expulsion des Juifs d'Espagne. Ce décret est toujours en vigueur, il existe toujours. L'abrogation aurait une valeur extraordinaire. Et voilà, donc je n'exige pas, je dis simplement, voilà. Non. C'est une façon de dire, l'histoire continue. Et puis aussi, c'est peut-être là où d'ailleurs, en écrivant ce chapitre, Pierre Assouline, Retour à Sepharade, c'est peut-être là que vous êtes encore dit, tiens, ce if, si jamais, si votre majesté, si nana, ça vous a, non? Ben, J'étais imprégné. Vous savez, l'histoire de Kipling et de son fils, c'est une histoire qui me poursuit depuis longtemps. Parce que j'avais écrit une nouvelle là-dessus, dans un recueil, il y a une quinzaine d'années, intitulé Rosebud. Et ça commençait par ça. Il y en avait 7 ou 8, et ça commençait par cette nouvelle-là. Et je me souviens que c'est la nouvelle qui m'a valu le plus de courriers de réaction, de gens qui étaient assez bouleversés par le cas de conscience de cet homme. C'est le poids qui l'écrasait, le fardeau de la culpabilité et tout ce qui s'en suivait tout autour. Parce qu'il est retourné sur le champ de bataille pendant 2 ans, régulièrement, pour fouiller la terre, pour essayer de trouver le cadavre, ou au moins quelque chose. Oui, et puis même si la plaque était sur un corps, ça aurait pu être une plaque prise par quelqu'un d'autre. Enfin, rien ne prouve. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas d'ADN. Non, mais il avait une alliance, il avait voilà un bijou, une montre, enfin des choses comme ça. Mais faut imaginer, la terre là-bas a été retournée 1000 fois, donc c'était même juste après les événements, c'était impossible. Ce Kipling antisémite par période. Dans sa correspondance, c'était par ruse qu'il n'en parlait pas en public ou c'était un antisémitisme sournois ou simplement c'était selon son correspondant. Bah après tout. Non, c'est pas son. Non, il y a deux choses qui reviennent. C'est en effet pas le même qu'en France. Non, il y a deux choses qui reviennent régulièrement à cette correspondance, qui sont très bizarres parce que bon, sur cet antisémitisme, parce que c'est pas en fonction du correspondant, c'est voilà, c'est en fonction du sujet du jour, mais parfois c'est intempestif, on comprend même pas pourquoi il fait cette remarque. Enfin, c'est récurrent. Et l'autre chose, c'est la référence à Allah. C'est-à-dire que très très souvent, c'est pas seulement Inch'Allah, mais si Allah veut bien. Dis pas, c'est pour ça qu'Allah est grand, c'est pas Vialat. Non, c'est pas Vialat. Mais lui, alors quand un jour quelqu'un lui a demandé, il lui dit « Mais pourquoi vous faites toujours référence à Allah ? Vous n'êtes pas musulman ?» Il n'était pas musulman. Et il dit « Parce que moi, vous savez, j'ai... il dit « En Inde, j'ai été élevé par des musulmans au départ, par des employés, des nounous, des nannies. Et voilà, ça m'a marqué. Et ce sont des gens qui sont très bons, etc. Et ça lui est resté. Mais ça lui est resté comme une sorte de leitmotiv, un peu de gimmick aussi. C'est curieux. Alors, dans les archives que l'on va entendre, donc il y a aussi Blondin. Vous nous avez dit que vous aviez fait cet avoinu avec lui. Comment ça s'était passé? Alors, c'était... Bon, on était très liés. Hein. On se voyait beaucoup dès les années de sa vie. On se voyait régulièrement. Et quand je lui ai proposé de faire ses entretiens, il m'a dit, bon, ben super. Alors, tu viens à mon bureau tous les matins. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, mais ton bureau, il est où? Il me dit, ben c'est le Rubens. Le café Le Rubens, à 20 mètres de chez moi. Donc, je vais, donc, rue de Seine, je crois que c'est rue de Seine, café Le Rubens, ou rue Mazarine, non, rue Mazarine. Et il est à 10 heures du matin avec une équipe de France Culture. Et puis, on s'attable et je dis, écoute, de 10 heures à midi, ça va bien aller. Et en fait, il commençait déjà très tôt à picoler. Mais le matin, ça allait encore. Mais à midi, il était complètement... Et moi, je ne pouvais pas faire ce travail d'entretien en étant ivre. D'autant plus que moi, j'aurais tenu le coup au bout de deux verres, je me serais affalé. Et donc, j'avais passé un accord avec l'homme du bar. Je leur ai dit, j'avais dit, quand je te demande un whisky, tu me donnes un Canada Dry avec des glaçons. Et ça a fait illusion pendant deux, trois jours. Et lui, alors lui, c'était le 102, c'est-à-dire le double pastis 51. Mais plusieurs verres à la suite, donc vous imaginez son état à midi. Et puis un jour, je crois que c'est le troisième jour, parce que ça a duré une semaine d'enregistrement, le troisième matin, et il appelle le garçon pour avoir son troisième ou quatrième 102. Mais le garçon met du temps à venir. Alors il dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'il fiche alors? Et puis il me dit, tu permets? Et sans même que je lui réponde, il prend mon verre. Aïe. Et il me dit, mais attends, mais tu m'as trompé? Je dis, non, c'est pas ça. Il me dit, mais ne recommence pas. Ce qui fait que par la suite, on a fait un livre d'entretien ensemble et on a corrigé les épreuves ensemble dans sa maison de campagne. Et notre éditeur nous a retrouvés tous les deux ivre-mort avec une très grande bouteille de Ricard à côté de nous. Mais c'était bien, on avait les bras en croix, il faisait beau, il y avait le soleil. C'est un peu comme, il y a une scène comme ça dans Tintin, il me semble, le capitaine Haddock, pour l'éloigner de l'alcool, de Tournesol et Tintin, s'arrange pour lui faire boire autre chose, ou détester le goût du whisky. Aussitôt. Et oui. Il recrache aussitôt. Moi, le Canada Dry, je comprends qu'il le recrachait. Parce que il y a beaucoup de publicité quand même, là. Je ne sais pas si on a le droit, comme ça, en pleine nuit, sur une chaîne publique. Bon, ça, écoutez, en tout cas, c'est pour parler de Blondin. Est-ce qu'on lit encore Blondin? Je sais que dans le roman, dans Tu seras un homme, mon fils, Pierre Assouline, à un moment donné, Rudyard Kipling dit à Louis Lambert, mais est-ce qu'on lit encore, je ne sais plus qui d'ailleurs c'est... Alexander Pope. Mais ça, on peut le dire de beaucoup d'écrivains, même du temps de Kipling. Le seul dont on ne peut pas dire ça, c'est Kipling, justement. Parce qu'un siècle après, en tout cas, les livres jeunesse sont toujours lus. Évidemment, le livre de la jungle, Mowgli, Kim, c'est toujours lu. La poésie un peu moins, et les nouvelles aussi, en tout cas en France. Mais le reste, la littérature jeunesse est n'est pas datée, à mon avis, pendant très longtemps. On continuera à le lire. On revient toujours à ce personnage de Louis Lambert qui a beau avoir le nom, un patronyme balzacien qui n'a aucun rapport avec ce voyant de Louis Lambert. Donc, votre roman, Tu seras un homme, mon fils, Pierre Assouline. Lui, il veut entreprendre quelque chose d'incroyablement gratuit, démesuré, donc la traduction la plus juste d'un poème. Et il termine, le roman se termine, mais on en a beaucoup parlé du roman, mais on n'en a rien dit en fait. C'est-à-dire que vraiment les lecteurs ont un roman à découvrir. Ça se termine en tout cas par cette traduction. Je vous la demanderai plus tard en toute fin de nuit, parce qu'il faut bien que vous nous la lisiez quand même, qu'on compare. Si vraiment Mon roi n'est pas bon... Et en tout cas, peut-être que Mon roi, c'était fait pour les Français, pour les lycéens français, et que Kipling, lui, il avait écrit, et c'était pas du tout les mêmes injonctions. C'est beaucoup plus tragique, me semble-t-il, en effet, en anglais. C'est plus tragique. Personne ne peut devenir un homme. Mais non, mais de toute façon, il n'est pas question de devenir un homme quand on a lu ça, parce que s'il fallait obéir à tout ce qu'il dit, on est un surhomme. Mais non, c'est plus tragique, mais c'est pas pour les Anglais. Kipling, son génie un génie naturel, fait que dès le départ, il s'adresse à, c'est une dimension universelle. C'est ça qui est extraordinaire, et c'est pas un hasard si dès le départ, dès l'âge de 25 ans, il est devenu un écrivain célébré dans le monde entier. Son message est universel, c'est pas quelque chose de... Alors, évidemment, parfois, c'est extrêmement britannique, hein, ou même extrêmement anglais. Certaines nouvelles marquées par la guerre ou l'avant-guerre, Mais sinon, non, ça peut être... Mauroy y a mis dedans une sorte de volonté de pouvoir et d'écrasement, d'asservissement de l'autre, qui n'est pas chez Kipling. Ce quatrain qui a été inventé, notamment, je n'ai pas les mots en tête, mais c'est dans mon livre, ça ressemble pas à Kipling du tout, en tout cas pas au poème. Et que, alors c'est un bréviaire pour les adolescents. C'est un bréviaire, oui. Et en français, c'est un vade-mecum, dites-nous. Oui, si on veut, mais c'est, je n'arrête pas, depuis que on sait que je publie ce livre et que ce livre vient de sortir, je n'arrête pas de rencontrer des gens, qui me disent, ah, mais pour moi, ça a été, mes parents l'avaient mis au-dessus de mon chevet, en permanence, quoi. Le nombre d'anciens lycéens et anciens adolescents qui connaissent ce poème, c'est hallucinant. En France déjà, alors en Angleterre. Et c'est chanté aussi. D'ailleurs, il y avait un très bon film qui m'a beaucoup marqué quand il était sorti dans les années, début des années 70, de Lindsay Anderson. If. Qui se passait dans un collège anglais. J'avais adoré ce film. Et il a eu le Grand Prix, je crois, à Cannes. Il a eu le Grand Prix. Avec un autre film. Oui. Alors, Pierre Assouline, votre nuit rêvée se poursuit donc avec les archives, avec Winston Churchill, avec Gaston Gallimard, avec un sur les docks Tolède ou la nostalgie de Séfarade, et puis on terminera avec Antoine Blondin. Et en toute fin de nuit, vous voudrez bien être l'entremetteur de votre héros, Louis Lambert, et nous lire la traduction définitive et parfaite de If.